La vie nous attend aujourd'hui, place du temps présent au rendez-vous du qui vivra verra. À un moment donné, tu crois que l'élégance est notre manière d'être au monde. Le qui vivra verra ouvrir ses portes tous les jours de l'année pour le train ouvrier. Le patron m'en donnait, faisait en sorte que la rue sente bon le café. Pour une poignée d'hommes endormis, il ouvrait son bar et son cœur aussi. Et dans sa voix, on entendait l'été, l'éternité. À un moment donné, c'est ici, ici et maintenant. Aujourd'hui, rue de l'instant présent, au rendez-vous du qui vivra verra. Il a réussi à nous faire croire aux gens de Provence, un peu plus cher, que rire était quelque chose de suspect. Au comptoir, il n'avait rien d'un prophète. Pourtant, quand il servait ses rides souriaient, et dans son regard comme un air de fête, tous les bonheurs semblaient pétiller. Il racontait les choses de la vie, les femmes, l'argent, l'amour, le rugby. Ah, ils ne veulent pas après contact. Hein. Et dans chacun de ses mots s'invitait à main donnée, l'éternité. C'est ici, ici et maintenant, que la vie nous attend. Aujourd'hui, carrefour du présent, au rendez-vous du qui vivra verra. À un moment donné, Toulon, ça peut être qu'une éruption. Le qui vivra verra fermer ses portes. Plus de parfum, café, plus de train ouvrier. Mais l'écho de sa voix me réconforte. Encore je l'entends me confier. Fausse mes tes rêves dans tes pensées. Comme un enfant, comme un petit poussé. Pour retrouver le goût de la liberté. À un moment donné, l'éternité. C'est ici, ici et maintenant. Au rendez-vous du qui vivra verra. On pourrait penser qu'à un moment donné, derrière tout ça, il y a quand même une assez belle humanité. Une assez belle humanité.